pour leur loger, de joie égale à celle de trouver au logis nombreuses clientèles. Messieurs, soyez les bienvenus et veuillez m'excuser. Vous avez attendu? Mais comment donc, je vous en prie. Vos montres sont d'un pur bijou. C'est de cette horloge surtout que vous me direz des nouvelles. Avant que vous veniez, je la considérais précisément avec grand intérêt. La curiosité est toute naturelle. Qu'à l'intérieur j'ai voulu pénétrer pour examiner de plus près le fonctionnement merveilleux du pendule. Ouais, mais je ne trouve pas cela si ridicule. Et croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Car vous prenez, bien entendu, l'horloge. Certes. Allons, ne soyez pas jaloux. J'ai l'appareil au même prix. Elle est à vous, c'est une chance. Mais sans doute, impossible de dire non. Il faut endormir ses soupçons. Mais que ce trafiquant à programme t'écoute. Eh bien, nous voilà tous d'accord. Je voudrais seulement vous demander encore de me tirer de cette boîte, car soit dit sans reproche, elle est un peu étroite. Veuillez seconder mes efforts, monsieur.